Dans un couvent, tu feras tes attentes, cavalier blanc. Oh, si tu tires un homme dans un couvent, si tu tires un homme dans un couvent, je m'irai de l'éteinte dans une étang, tu feras tes attentes, cavalier blanc. Ah, si tu tires en canne dans une étang, si tu tires en canne dans une étang, je m'y rendrai canard, canard volant, je spannerai la canne dedans l'étang. Ah, si tu tires en canard, canard volant, si tu tires en canard, canard volant, je m'y rendrai en guille sous le rocher, tu paieras tes attentes, car cavalier. Ah, si tu tires en guille sous le rocher, si tu tires en guille sous un rocher, je m'y rendrai pêcheur, pêcheur d'été, je pêcherai en guille sous le rocher. Si tu tires un pêcheur, pêcheur d'été, je m'y rendrai caille de famille, c'est blé, tu paieras tes attentes, beau cavalier. Ah, si tu tires un caille parmi ses blés, ah, si tu tires un caille parmi ses blés, je m'irai le chasseur, chasseur d'été, je chasserai la caille parmi les blés. Ah, si tu tires un chasseur, chasseur d'été, si tu tires un chasseur, chasseur d'été, je m'irai étoile au firmament, tu paieras tes attentes, cavalier blanc. Si tu tires en étoile au firmament, si tu tires en étoile au firmament, je m'y rendrai nuages, nuages autant, je cacherai l'étoile au firmament. Si tu tires en nuages, nuages autant, si tu tires en nuages, nuages autant, je m'y rendrai morte, morte enterrée, tu paieras tes attentes, beau cavalier. Ah, si tu tires morte, morte enterrée, ah, si tu tires morte, morte enterrée, je m'y rendrai terre, je te pourrirai, de tes amours la belle, j'en jouirai. Ah, si tu tires en terre pour m'y pourrir, ah, si tu tires en terre pour m'y pourrir, je m'y rendrai Saint-Pierre au pas.